La fonction de la maladie, enregistrement réalisé pour le mois de mars de l'année 2024. Donc, le sujet va être abordé en relation avec un échange de courriels qui a été fait avec Francis de Montréal, que je salue. Bien entendu, s'il m'écoute présentement. En même temps, ben, je profite de l'occasion pour saluer toutes les autres personnes là aussi. Plus spécifiquement, au cours des dernières semaines, j'ai eu des échanges d'une manière privilégiée avec Francis et il y a certaines choses intéressantes qui ressortent parfois, d'où le fait que j'ai réalisé des capsules audio là, par rapport à lui que je rends disponible là, sur ma chaîne de YouTube. Donc, c'est un correspondant avec lequel j'ai eu du plaisir à échanger. Puis, des fois, il m'amène des prises de conscience, des choses que je n'avais pas intégrées à l'égard de certains sujets. Donc, là, je vais vous partager son propos parce que je vous explique. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs enregistrements en lien avec un problème de santé qui m'a amené à être opéré puis de rencontrer un urologue. Et par rapport à la maladie, il y a une perspective particulière. Donc, je vais lire des parties des échanges que j'ai eus avec lui. Donc, s'il y en a parmi vous que ça peut intéresser, je vous propose de m'écouter dans les prochains instants. Donc, il me dit ceci. La maladie est essentielle, mon frère. On a trop des têtes de cochon. Ça, c'est une expression québécoise. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que les gens sont trop entêtés. Sinon, je reprends, on n'obéit pas. Il nous ramène à l'ordre. Là, il doit faire référence aux forces. Donc, je continue la lecture. Bon chien sommes-nous. Ça marche de même. Il me coince moi aussi abondamment et de plus en plus. Faut pas tomber dans la peur. Faut vivre avec notre programmation et se rendre libre dedans. Dedans. Lui, il me disait, ton pénis sert à te ralentir. C'est parce que j'ai un problème avec... Dans le fond, mon urètre qui bouchait. Fait que là, c'est ce qu'il me dit comme propos. Ils ont fait ça pour te ralentir. Ainsi, ils disent, tu vis mieux. Ils sont foqués. Hein? Ils disent, tu vis mieux avec cette condition que sans elle. Fait que là, il m'amène une perspective originale sur mon problème de santé. Dans le sens que la fonction d'un problème de santé, dans certains cas, c'est pour ralentir la personne. Donc, c'est sûr que s'il y a un débordement d'orgueil, puis la personne, par exemple, est confronté avec un problème d'urètre ou la personne, par exemple, qui est atteinte de diabète et qu'elle doit vérifier régulièrement son taux de sucre dans le sang, bien, ça amène à éviter de l'inflation de l'ego, des débordements d'ego et d'orgueil. C'est sûr qu'à un certain niveau, ça peut limiter ça. Donc, je reprends la lecture. Il ne voit pas les choses comme nous autres, David. L'évolution se crisse de nos égaux. En langage québécois, ce qui crisse, c'est dans le sens se fout, n'a rien à foutre de nos égaux. Traduction européenne. Donc, je reprends la lecture. Bon chien, ouf, ouf, sommes-nous, hein? Ça, je déteste ça. J'ouvre une parenthèse quand il nous compare à des chiens qui sont manipulés par les forces parce que. D'une certaine perspective, comme disait Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale à l'échelle québécoise et internationale par la suite, lorsque les enregistrements ont été rendus disponibles au grand public là, via le web, eux autres, ils disaient « les forces, c'est des chiens ». Donc, moi, la perspective que j'ai par rapport à ça, je ne considère pas que l'être humain comme un chien qui doit être dressé par le maître qui lui dit quoi faire. Non. L'être humain doit composer intelligemment avec des réalités occultes. Et un jour, doit être capable de manipuler les manipulateurs qu'il manipule pour le conditionner puis le dresser comme un chien. À un moment donné, il doit avoir un équilibrage qui se fait. Et cet équilibrage-là est en relation avec la montée en puissance de la conscience humaine individuée. Qui doit horizontaliser le rapport avec l'occulte, parce que c'est pas normal que l'être humain soit un pantin de l'invisible. L'être humain, un jour, a dire ce qu'il est, s'exprimer vibratoirement, Et à quelque part, arrêter de subir l'évolution. Donc, une programmation qui cherche à évoluer. De toute façon, lorsque l'être humain est suffisamment évolué et renforcé sur le plan vibratoire, il devient un être de commandement. Voilà ce que ça me dit, que je vous traduis à travers la parole, mais un commandement éclairé, car sa conscience est harmonisée avec son double. Donc, c'est très différent de l'être humain qui a une volonté anarchique en relation avec une conscience sous emprise astrale, c'est-à-dire en relation avec des forces d'évolution. Lorsque l'être humain devient une force d'évolution, eh bien, il n'a plus à être ajusté pour évoluer, car il est évolution. Bon, c'est intéressant ce que ça me dit. J'ai quasiment le goût d'arrêter l'enregistrement là. Mais bon, maintenant, je vais continuer. Je continue, il dit « Vaut mieux le savoir que ne pas le savoir, qu'au moins le sachant, on peut s'en rendre libre. » Donc là, je continue à lire, on a peut-être perdu le contexte, là. Mais ça faisait référence, l'évolution se fout de l'ego. C'est sûr que s'ils sont conscients que l'évolution se fout de l'ego dans le sens que des programmations sont imposées à l'ego sans son consentement libre et éclairé. À ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est une réalité qui est dure, parfois acceptée. Mais lorsque la personne intègre les charges énergétiques par rapport à ça, il monte en puissance et réalise, comme le salage adage le dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Dans le meilleur des cas, bon, ben, ça amène une montée en puissance de la personne et ce qui lui permet de passer au second niveau de la conscience, c'est-à-dire passer de l'involution à l'évolution avec une conscience créative. Là, je vais continuer la lecture. Il dit « Ton ego serait trop fort si tu avais la pleine santé comme une fille super cute. » Mot québécois qui peut vouloir dire en français « super belle. » Qui a un trop gros ego, il s'arrange pour la faire violer pour la calmer. Hey, c'est pas drôle ce qu'il dit, hein? Il dit, si une fille se croit trop belle, trop fine, etc., ils vont créer un esti de choc, là, comme se faire violer, puis elle va se calmer le pompon. Donc, une autre expression québécoise. Pour dire que si la personne a un ego d'inflation, se surévalue, ils vont créer un choc qui va amener un réajustement vibratoire pour que l'ego prenne sa juste place. Puis après ça, il dit, ils ont toujours raison. Oh, oh, oh, oh. Là, je vais commenter, là. Parce que là, les plans de la lumière, ils ont toujours raison. Alors, à ce moment-là, vous allez m'expliquer, mes chers plans de la lumière et chers êtres qui donnent de l'importance à la raison des plans, pourquoi que des gens se suicident? S'ils ont tout le temps raison avec leur programmation, leur manipulation de l'être humain et d'avoir fait de la Terre une planète expérimentale, donc pourquoi... Si les êtres qui gouvernent l'intelligence ont toujours raison, ben pourquoi qu'il y a du désordre, du chaos? Puis là, ça peut répondre que, à quelque part, ben là, c'est vrai, je bloque. Ah, c'est intéressant de me regarder. Allez, donc, non, je vais donner une place à une répartie intelligente par rapport à ça. Il faut que quelque chose émerge intelligent. Ah, ce que ça me dit, ben je vais prendre le crayon. Je vais écrire des barres de gauche à droite. Je vais bénéficier du support du crayon, hein, une crise de crayon. Je l'ai. Je sais pas quoi dire, Chris. Ça me débloque. Ils me disent, les plans, la lumière, les forces évolutives ont toujours raison dans le sens qu'ils sont capables de percevoir des choses que l'être humain voit pas. Tant que l'être humain est sous les ornières de l'astral, il est comme un cheval qui a des œillères qui l'empêchent de voir les côtés qui l'amènent juste à voir devant. Or, si l'être humain n'a pas une vision multidimensionnelle à 360 degrés, il y a des choses qui l'échappent, un peu comme un automobiliste qui a des angles morts. Ce qui fait que si l'être humain est sous gouverne astral, à ce moment-là, la raison de l'esprit lui échappe, car l'astral n'a pas la capacité de contenir la vibration de l'intelligence créative et d'appréhender adéquatement ses programmations. L'intelligence astrale est comparable, par exemple, à une interface qui est plus basse en vibration. Prenons, par exemple, le système informatique, car il y a plusieurs parallèles qui peuvent être établis entre les réalités occultes et les réalités de l'informatique. Donc, par exemple... Il y a une nouvelle mise à jour d'un logiciel qui se fait. Prenons par exemple par rapport à Word qui sert à écrire des textes. S'il y a un nouveau format Word qui apparaît, l'ancien logiciel qui sert à lire les anciens formats Word ne peut pas le lire, mais le nouveau logiciel peut lire aussi les anciens. Ce qui veut dire que la conscience nouvelle qui est ajustée vibratoirement, la personne qui est capable d'accéder à une conscience évolutive, est capable de comprendre et lire les gens issus de l'involution, mais le drame que cette personne peut vivre qui est extrêmement contrariant, c'est que cette personne-là va se sentir incomprise par les êtres de l'évolution car ils n'ont pas le taux vibratoire pour être capable d'intercepter et d'interpréter adéquatement l'énergie de l'esprit qui pulse à travers cette personne, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une réciprocité psychologique et psychique qui peut s'installer entre eux, dans le sens que l'aide de l'évolution qui réfléchit en fonction des formes a une impossibilité de capter adéquatement la vibration de l'esprit. Il va se sentir d'ailleurs agressé par elle, car trop forte en énergie. Tandis que l'individu de l'évolution peut se sentir agressé par celui de l'évolution, car incompris par lui dans sa multidimensionnalité. Donc, comme il n'y a pas des rapports équilibrés, ben, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a une interface psychique plus raffinée que l'autre. Bon, ben, quelqu'un qui a une interface psychique plus à jour car nouvelle, en relation avec le rehaussement du taux vibratoire qu'il a vécu au cours de sa vie, en accéléré, à comparer de l'autre qui ne vit pas ça à la même vitesse. Ce qui fait en sorte qu'il est capable de décrypter celui qui vit plus élevé des informations que l'autre ne peut pas. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, on continue à lire son texte. Il dit « La santé est un outil pour eux pour nous joindre direct. » Donc, je vais commenter. Bien, c'est sûr qu'on peut, dans le fond, être mis en relation avec l'esprit par la santé. Donc, moi, en tant qu'individu, dans le fond, si j'ai un problème de santé, puis c'est important en tant qu'ego, pour moi, ça peut-être plus me déranger qu'une autre personne a un problème financier ou un problème relationnel. Tout est en fonction de chacun. Donc, c'est sûr que si l'esprit ou les plans de la lumière veulent m'amener dans un état de colère mentale, ben c'est sûr que si le problème de santé est gossant, donc, c'est parce qu'il y a un jeu de mots, parce qu'au Québec, on va dire les gosses, les testicules ou... qui concerne le sexe, comme le bon urètre qui était sur le point de boucher, ça va plus me travailler vibratoirement qu'un autre type de problématique ou d'autres choses qui ne créeront pas de choc. Chaque personne a ses zones de vulnérabilité, puis c'est intéressant de les étudier. Moi, à un certain niveau, c'est la santé. Donc, je vais continuer la lecture du texte. Il dit « Dans l'ensemble de leur point de vue, c'est très logique ce qu'il nous impose. Il nous retire, nous enlève, nous oblige à créer. Sinon, on reproduit nos patterns de vie d'insécurité inconsciemment. Il veut attirer notre attention vers eux et qu'on coupe nos routines égotiques. » J'arrête la lecture. Bon, c'est sûr, un problème de santé comme moi, là, ça m'a amené à couper ma routine d'ego. Ça, c'est clair, ça a changé ma vie, ça m'a sorti d'une certaine forme de léthargie, ça m'a amené à me redéfinir à différents niveaux. Parce que si, au moment où je vous parle, je suis obligé de m'enfoncer une tige de pénis en plastique, pour vous donner l'explication scientifique de cela, ben, pour empêcher que mon urètre bouge de nouveau, ben, il faut que j'utilise un dilatateur du méa urétral deux fois par jour. J'utilise ça. C'est sûr, ça a changé ma vie. On peut vivre des oppositions sur lesquelles, des fois, c'est difficile de changer. Des fois, on peut agir sur notre... Ben, je cherche toujours à agir sur ma condition médicale par rapport à ma conscience. Et c'est sûr que, dans le fond, le fait que les plans de la lumière ont fait en sorte qu'il y a un concours de circonstances où j'ai eu à souffrir sur le plan physique me contrarie. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, tout est su, tout est connu. Ma programmation génétique, par exemple, qui peut être plus, dans le fond, me rendre plus disponible, par exemple, un problème de lichen scléroatrophique qui a amené mon problème de peau. C'est un élément qui peut être modifié par rapport à un changement vibratoire à un certain niveau. C'est de le réaliser aussi, là. Mais, dans le fond, en lien avec son propos, je vais continuer à lire là, ce qu'il a écrit. Il dit « Il faut fusionner pour gagner sa liberté, David. Vivre à leurs conditions d'abord et ensuite avoir la force de s'en rendre libre. Il faut faire le training de 20 ans. » Lui fait référence à un entraînement Ensuite, tu es champion olympique et gagne ta liberté sur le terrain. L'homme n'est pas libre. Il peut le croire, mais il ne l'est pas du tout. Vaut mieux le savoir. Ils peuvent nous tuer drette là, et nous, on joue au malin avec eux. On exige et impose notre volonté sur eux. Ça marche pas de même. Faut d'abord faire le training, gagner ses épaulettes et surtout la force de leur tenir tête. Donc lui, j'arrête la lecture ici, il dit « On est confronté à un entraînement, à une programmation, il faut passer à travers elle. » qu'on subit, c'est un petit peu comme une formation de Jedi pour les gens qui ont écouté Star Wars, là, puis à un moment donné, dans le cadre des films, il y avait Yoda qui a formé Luke Skywalker. Donc, elle lui a imposé un parcours pour se développer en tant que maître Jedi. Mais c'est un petit peu la même chose pour les êtres humains là, en développement. Donc, des gens qui ont des formations pour être militaires pour ensuite aller au front, faire la guerre. Et je suis de l'avis que l'individu nouveau, femme, homme ou même transgenre ou non-binaire, c'est un être qui est formé malgré lui pour devenir un véritable guerrier psychique. Donc, qu'ils ne veulent pas, on faut faire de lui quelqu'un de combatif. Et si ça arrive sur vous, ben vous êtes pris avec ça. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert dans le passé d'une condition. Prenons par exemple quelqu'un qui est homosexuel dans la société, que ce soit au Canada, en France, il y a à peine un siècle. La personne pouvait être victime de moqueries, de railleries. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais la personne qui subit une condition, prenons par exemple quelqu'un qui est dans un corps d'homme et sans femme, il ne l'a pas choisi, mais il vit ça. Donc, il a composé avec une condition. L'individu, un peu comme la personne qui veut changer d'identité sexuelle, la personne qui change d'identité vibratoire, c'est-à-dire qui passe de l'astral à l'esprit alors qu'il ne l'a pas choisi, mais qui subit cette condition-là, ça peut être éprouvant, surtout si la société ne le comprend pas. Dans le sens que quelqu'un qui est homosexuel, il y a à peu près, il y a pas 1000 ans, juste un siècle, juste à peu près 100 ans, pouvait être victime, dans le fond, de réprobation sociale, pouvait être méprisé par le clergé ici au Québec, être vu comme étant pécheur, étant mauvais, ainsi de suite. L'acceptabilité sociale est venue avec le temps et un jour, ça sera la même chose pour l'acceptabilité sociale par rapport à l'individu nouveau, fusionné. Mais là, les gens, ils sont fermés à ça. Ça viendra pas partout en même temps. L'acceptabilité sociale qu'aujourd'hui bénéficient les homosexuels, les gens, prenons par exemple en Iran, ils bénéficient pas de ça. Il y a des pays, à cause du conservatisme religieux, qui sont très réfractaires dans leur mentalité par rapport au phénomène de l'homosexualité. Fait que là, imaginez de parler à ces gens-là, de gens qui ont des consciences libres et autonomes qui vivent au-delà du conditionnement religieux, probablement qu'ils risquent d'être pas nécessairement trop enclins là, par rapport à ça. Donc, ceci dit, je vais reprendre la lecture. Donc, il faut que l'homme, sache qu'ils sont les boss. Là, il fait référence sans doute aux forces, ils ont leur raison. Ils ne se trompent jamais. Là, ici, j'arrête, parce que je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Les plans de la lumière se trompent jamais, là. Chris, il n'y aurait pas eu le foutoir involutif. Donc, à un certain niveau, s'il n'y avait pas d'erreur dans l'absolu. Mais dans un sens, ils se trompent pas par rapport au fait qu'ils savent c'est quoi que l'être humain, qu'est-ce qui va le faire chier puis évoluer. Dans un sens, ils ont un niveau de savoir qui peut... C'est comme si eux autres savent plus pour l'ego qu'est-ce qui est bon pour lui-même, un peu comme le parent qui sait davantage pour l'enfant qu'est-ce qui est bon pour lui-même, pour son développement. On va dire à un enfant à bas âge, c'est important que tu manges des légumes. L'enfant peut regarder l'adulte, va dire, Chris, moi je veux manger des bonbons, Chris-moi à paix. Sauf que, objectivement parlant, le parent qui va amener l'enfant à avoir une saine alimentation, propice à sa conscience et sa croissance avec beaucoup de légumes, c'est plus ajusté. Mais l'être humain, en tant qu'enfant, ne le réalise pas. Puis c'est une fois rendu à l'âge adulte que l'enfant devient parent lui-même puis il réalise, ouais, c'est une bonne chose si je donne des légumes à mes enfants que là, ils réalisent l'intelligence. Fait que dans un sens, les êtres du plan éthérique ne se trompent pas parce qu'ils ne sont pas soumis au joug d'une évolution pour avoir une capacité de voir au bon développement humain par-delà les désirs subjectifs de l'ego, dans ce sens-là. Mais dans un autre sens, ils peuvent se tromper parce qu'on est pogné avec des guerres entre le plan astral, le plan éthérique, puis des gens qui sont amenés au suicide à travers des programmations qui manquent d'ajustement. Mais bon, on va reprendre la lecture. Il dit, c'est tout le temps intelligent leur affaire, on le voit pas, on n'aime pas ça, mais ils ont toujours raison au final. On reconnaît après que oui, ça avait un sens, casser l'ego, créer une brèche pour nous parler, c'est juste ça. Pas chercher plus que ça, David, c'est notre condition, elle doit être acceptée. C'est pas nous le patron, David, c'est eux autres le boss, ça marche de même. Ça marche de même, mais pas d'émotion dedans, Dave. Il me dit ça d'une manière sympathique. Bon, m'arrête la lecture ici. Bon, on peut être confronté avec une condition. D'une certaine perspective, la condition peut amener une maturation de l'ego, être moins orgueilleux. Donc, dans un sens, oui, si on parle d'un problème de santé, ça peut être ça la fonction. Donc, je suis obligé de reconnaître qu'il y a de l'intelligence là-dedans, mais il y a de l'intelligence aussi, à un moment donné, que quand l'individu réalise ce qu'il a ajusté au niveau de l'ego... qui ne souffre plus de la condition de santé. Là, ce que ça me dit intérieurement, c'est si vous ne voulez plus souffrir de votre condition de problème de santé, Chris, arrêtez de réfléchir. Là, je leur réponds, Chris, c'est facile à dire, c'est pas vous autres qui êtes dans mon corps physique. Ils disent, oui, mais c'est ce qui est intelligent à faire. Que ça vous fasse plaisir ou pas, il faut vous sortir de la réflexion. Ils disent, vous avez tendance à avoir peur à chaque fois que vous avez... une petite coupure ou quelque chose de minime, vous grimpez d'un rideau. Eux autres, ils me disent, Chris, vous allez vous calmer, vous allez arrêter de capoter pour rien, restez calme. Sinon, Francis a écrit aussi que le but des forces me semble justement de nous en envoyer ce qu'on appelle ici-bas de la merde, afin que nous ne puissions plus accepter ou refuser, mais plutôt de nous faire exploser, sortir de nos gonds, comme on ferait sauter une boîte électrique, mais sans la faire prendre en feu. Là, il marque, je vois ça comme ça, ce qu'ils nous font subir. Donc, ça termine la lecture de cet extrait, c'est-à-dire que, à quelque part, nous faire exploser en conscience, donc sortir de certaines formes, faire éclater de la forme à travers des chocs de vie, qui nous amène à passer d'un point A à un point B, changer notre état psychique. Dans ce sens-là, oui, à quelque part, il y a des oppositions qu'on peut vivre qui peuvent servir à ça. Et il est possible que les problèmes de santé auxquels on est confronté peuvent servir à nous amener à un autre niveau de conscience dans notre rapport à la santé et à la vie. Et aux forces aussi. Ouais, parce que ça peut rehausser notre taux vibratoire pour égaliser la relation avec eux à travers une contrariété relative à un problème de santé. Et l'énergie de la contrariété peut servir de carburant. Hey, je vais aller vite. Ça se défile rapidement dans le mental quand que je vous parle. Il faut que je ralentisse. Donc, l'énergie de la frustration et de la contrariété peut nous amener au-delà de la peur ou de certaines limites qu'on pouvait avoir au préalable et nous amener à un second niveau. Donc, un niveau différent de manière d'être au monde à travers un corps. Donc, ça va compléter là, cette capsule audio qui était en lien avec le sujet. C'était, j'ai pris en note ici, la fonction de la maladie. Sinon, tiens, je vais demander à l'esprit si j'ai des choses à compléter sur la fonction de la maladie. Ah, il me dit « La fonction de la maladie pour une personne est en fonction de l'étroitesse de son esprit, de son conditionnement qu'il faut faire éclater. » C'est-à-dire que la maladie est en fonction des failles de l'individu pour l'amener à réaliser qu'est-ce qui doit être ajusté dans sa vie et de se mettre en action en ce sens. La fonction de la maladie ou la fonction d'une opposition, parce que beaucoup de personnes vont interpréter qu'une maladie, c'est une opposition par rapport à leur vie, sert entre autres à faire réaliser à l'ego qui ne contrôle pas tout dans sa vie, qu'il n'y a pas nécessairement la possibilité que tous ses désirs soient exaucés. La fonction de l'ego, de la maladie peut être d'amener l'ego à en venir à un niveau plus élevé de conscience, d'harmonie, d'ajustement vibratoire qu'il pouvait connaître avant d'être confronté aux 10 problèmes de maladie. Donc, la maladie, dans certains cas, peut être un traitement, un tremplin évolutif pour passer d'un point A à un point B. Donc, sur ces considérations, ça, c'est dans l'optique de faire un usage créatif de la maladie. Sur ces considérations, je vais compléter cet enregistrement. Donc, je salue de nouveau Francis et tout le monde qui m'écoute. Si vous m'écoutez toujours présentement, merci de votre présence. Et si vous voulez entendre d'autres capsules audio en lien avec des échanges par rapport à Francis, vous avez juste à aller voir ma liste de lecture là, sur ma chaîne YouTube. Il y en a plusieurs là, à l'égard d'une variété de sujets. Donc, merci et à bientôt. Au revoir.